savez, chers auditeurs, qu'il faut toujours philosopher. C'est pour ça que Jean Van Lame est là. Voici la philosophie des dames. Oui, ça va, bonjour, coucou, je suis là, c'est bien, faut avoir de l'énergie. Tu peux pas rester là, un peu comme la limace qui a trop mangé de chips, faut pas que tu restes là. Les gens arrêtent pas de dire « je t'aime », pourquoi ? Le « je t'aime », c'est un cri qui vient du fond. C'est pas la brebis qui rugit, c'est pas la brebis qui fait « bé, bé, bé » comme ça, toute seule là, dans son coin, qui est perdue dans son pré avec un petit peu de fleurs et un petit peu d'herbe. C'est le lion, une fois que c'est fait, c'est juste là pour l'information, c'est tout. Le « je t'aime » devient juste une information comme une note. « Bonjour, ça va ? Oh, qu'est-ce que ça fait ? Ça va, je vais aux toilettes. Bon, j'ai été informé. C'est bien, c'est tout, c'est comme ça. » Et si t'as besoin qu'on te le dise tout le temps, c'est que t'es pas « aware ». T'es pas « aware », l'autre. Tu vois pas qu'il est déjà là, qu'il a déjà crié. Et si te le redit, c'est que t'es sourd, c'est que t'entends pas, t'es bouché. Il y a un truc là qui se fait, qui ne se fait pas. C'est que 1 et 1 égale 2, et pas 1. Et ça, c'est ça qu'il faut retenir, et qui n'est pas égal à 11, qui peut pas être aussi beau que ça, qui peut pas être l'avenir, qui peut pas être ça, sinon ça ne se fait pas. Oh yeah. Un prêtre dans les terres dévastées disait que pour être en harmonie avec les énergies du grand tout, il ne fallait se nourrir que d'eau. Ces obsèques auront lieu dans l'après-midi. Un homme s'enferme dans sa chambre depuis 40 ans à cause de cailloux devant sa maison. Il dit que c'est un signe l'avertissant qu'il doit rester chez lui. Ce même homme ne s'alimente plus depuis qu'une mouche s'est posée sur l'un de ses plats. Pour lui, c'est un signe qu'il ne faut plus toucher à la nourriture. Des informations offertes par les pompes funèbres Rigour. Pompes funèbres Rigour, trouvez cercueil à votre pied. What? What's that? What's that? What's that? All right. Apparemment, chers auditeurs, quelqu'un vous aime bien. Non, non, cette fois ce n'est pas de moi que je parle, mais de Marguerite Dupoignant. Coucou, coucou, c'est encore moi, c'est Marguerite. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. Vous savez mon immense palais. Eh bien, j'ai aussi perdu mon chien. Ah, je l'entends parfois gratter dans les murs du palais. Ah, vous entendez? C'est lui. Il est mignon. Il gratte, il gratte, il gratte. Ah, il oublie que ce sont des murs en pierre. Ça ne sert à rien de gratter. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I nobody cares for me. There's nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then. I'll do both the butt, blip up. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me. Nobody.

There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Oh, and I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know. Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care. And I'm as happy as a clown. I with my two fists divine, but I'm going nowhere. Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. La sordide affaire de vol, de radis et de meurtre pas encore trouvée vient d'arriver à son terme. Les radis ont été retrouvés dans un entrepôt souterrain. Le responsable n'a pas été retrouvé toutefois. Voilà de quoi rassurer les agriculteurs. Ah bah oui, bien sûr, c'est vachement utile de retrouver des radis périmés depuis 2 ans. C'est toujours mieux que de trouver, je sais pas, le responsable, hein. Après tout, c'est un peu comme ça qu'on s'est dit. Ouais, faudrait pas s'étonner de se retrouver avec une révolte sur le dos. Ouais, accompagné d'une petite fourche dans le cul, pour vous accompagner le tout, hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Le maire de Saturargues, empoté depuis ce matin, tient à exprimer son mécontentement. Oui. Avancez le pot, doucement, voilà, oui. Merci. Là, comme ça. Non mais oh, là ça tire sur les chairs. Au bout d'un moment, va falloir arrêter de monter sur les échafaudages parce qu'on n'en peut plus. Il y a des fois où l'on se demande si les chaises sont bien mises. En plus, je suis dans un pot de terre cuite, alors ça commence à bien faire. Zut alors. Est-ce que vous pouvez déplacer le pot de colère, s'il vous plaît? Voilà. Allez, on peut plus.

ask you to do. But please believe me, darling, I don't mean to hurt you. But just can you slip away without him knowing you're gone? Maybe we can meet somewhere, somewhere where we both are not known. Away, baby, 'cause I got to see you. I feel a deep burning inside. Oh, I wish you could slip away. Oh, I wish you could slip away. Ah, mes amis, nous sommes là, à la toute fin. Alors que tout le monde se dispute pour tout et n'importe quoi, nous avons continué à nous aimer tendrement et passionnément. C'est peut-être ça le plus important, que l'amour a toujours lieu malgré tout. Merci à vous, chers auditeurs, et à un de ces jours. Et n'oubliez pas que peu importe ce qu'il vous arrive, l'amour a toujours lieu. Au revoir et à bientôt.